À chaque fois que j'ai arrivé dans ma vie, devant du monde, je dis, ben, argumente-moi-le, puis prouve-moi-le que j'ai tort. Monsieur, je vous demanderai de quitter. Mais c'est parce que t'es pas en Europe. Ici, au Québec, les gens ont horreur du débat. Les gens ont une culture C'est consensuelle. pareil en Europe, ils ont eu autant de censure, pas mal. Ils ont eu Ben, de la censure attends une minute, attends pareil. une minute, attends une minute. Je suis pas. Gars, là, ils n'ont même pas réengagé les non-vaccinés dans le personnel soignant en Europe. Ici, ils sont rentrés à l'ouvrage. Parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Eux autres, Mais ils tout. oui, mais Le monde, il attends. crève dans les couloirs. Ben, attends une minute, attends une minute. En Europe, de ce que j'ai vu, puis des échanges que j'ai eus au fil du temps, ils ont plus une culture du débat, de l'argumentaire. Oui, Tu mais as ça des change-tu pas au bout de la philosophes ligne? comme Michel Onfray qui vont intervenir sur des plateaux. Michel Lomfrey, c'est un asti de sans dessin. Je dis pas que c'est un génie, mais je C'est dis. un crisse d'imbécile. Lui, son hédonisme, là, ben, qu'il se le fourre dans le cul, puis il va aimer ça. Maudit crisse d'idiot avec son université populaire qui mange de la merde, Michel Lomfrey. C'est un des pires imbéciles que j'ai jamais vu s'exprimer d'une TV. Si c'est pour ça la liberté d'expression, puis que le débat qu'on nous fait, puis le droit au débat, c'est tout le temps des imbéciles comme lui. Ben, j'en veux pas tant qu'à faire. Je veux dire, ils ont une meilleure culture du débat. Ben oui, mais Chris, c'est tout le temps des débats vides qui mènent nulle part. Ben, C'est aussi attention, bien c'est d'être mieux que comme ici, rien. Au puis. Québec, il n'y en a pas de ça. Des philosophes sur des plateaux de télévision. Dans un lointain passé, il y avait André Moreau, mais à part ça, il n'y en a pas. André Moreau, c'est. Bon, en tout cas, ça dépend de ce qu'on veut dire par philosophe, là. Mais il reste que, regarde, là, ils ont juste adapté la forme pour noyer le poisson. La clientèle européenne, elle aime les débats, fait qu'on y fait des faux débats. Non, non, je comprends qu'ils Michel sont Onfray, manipulés. il était à pine planche, il criait tout ce qui sortait, puis les non-vaccinés devraient pas avoir le droit de ci, puis de ça, puis là, tout d'un coup, il revire sa veste de bord, puis là, finalement, j'avais peut-être tort, puis ben, ouais, t'as peur de manger des claques à la gueule, c'est ça. Mais il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Ben, je dois être le plus fou des fous parce que j'ai jamais changé d'idée. Pourquoi je changerais d'idée? C'est même pas mon idée, dans le fond. Moi, c'est ce que je revois, ce que je vois, je me demande, c'est-tu réel, c'est pas réel, j'ai pas à changer ou pas d'idée. Oui, je Mais. comprends. C'est pas une idée dans le sens réfléchi ou un attachement à une Non, je suis forme. pas idéologique. Mais ce monde-là, ils le sont. Puis c'est des idéologies niaiseuses. C'est pas intelligent. Michel Onfray, là, c'est une version philosophique de Mélenchon pis ces affaires-là. Ça mènera jamais à rien. Il est là pour noyer le poisson, il sert à rien. Ben, en tout cas, il remplit du temps d'antenne, là. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais, Mais je veux en dire fait, que. c'est peut-être pas la meilleure référence que j'ai C'est un citée. clown. Je veux dire, c'est des clowns. Tu sais, les philosophes là, de TV français, c'est des clowns. C'est des clowns. Regarde Bernard-Henri Lévy, c'est ça son titre, c'est un philosophe. Un spécialiste du botulisme. Hein? Puis Jacques Attali, qui était condamné pour plagiat, c'est même pas lui qui écrit ses livres. À un moment donné, ça va faire. Puis là, Alexis Cossette-Trudel, il nous dit, moi, j'aurais aimé être à l'Académie française. Hein? T'as pas honte de dire ça? T'as pas honte? Oups! Je viens de péter mon fauteuil. Tellement choqué. L'affaire, c'est que, regarde qui c'est qui est à l'Académie française, Alain Finkielkraut. Moi, je les envie pas du tout, hein. Tu sais, il y a Puis, beaucoup de monde qui s'écoute parler là-dedans, Dany puis. Laferrière. Il a dit, ah, oh, je trouve ça beau les habits des académiciens. Ces gens-là remplis d'orgueil vont se qualifier comme étant des immortels Ouais. à l'académie, donc Il est le rang là, suprême de le. l'élitisme. Ben, il est là. Vous serez comme des dieux, c'est vrai de ça. Des immortels, mon cul. Mon Ils cul, ont c'est de la l'orgueil mort. de prétendre qu'à quelque part leur œuvre et leur personne a été immortalisée et les gens dans les générations futures vont se gargariser de leurs propos Ben c'est ça leur immortalisation à eux autres. à travers le mémorial auquel ils donnent de l'importance, puis ils donnent un sentiment de reconnaissance sociale à travers leurs romans, leurs écrits, que ça a Mais une portée. pour immortaliser, il faut ramener dans l'éternité. puis un mur de feu à franchir, puis bon, ça marchera pas, là. Parce que ce qui est immortel n'est pas nécessairement éternel. Fait que si t'as fait bien attention, ouais, c'est immortel l'âme. Il y a juste l'esprit qui est éternel. Dans le sens que les gens qui veulent immortaliser leur ego, ils savent pas, mais ça, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Je veux dire, t'as les premiers temps, avant le temps de l'innocence, t'as l'éternité. À un moment donné, il va falloir retourner dans l'éternité, mais il va falloir qu'il y ait un tri. Ne sera pas immortel qui le veut ou le désire. C'est pas de même que ça marche. Mais qui peut? Parce que sinon, on va immortaliser de la pollution puis de la mort. Ouais, c'est ça qui le peut. Exact. Mais j'en reviens pas. J'ai cassé mon fauteuil d'un coup, paf. Tabarouette, mais c'était-tu un fauteuil en... Le barreau était-tu en plastique, en métal? Non, non, c'est du bois franc. OK. Bon, tabarouette, t'as eu toute une montée en vibration? Ouais, ouais. Mais étais-tu déjà fragilisé avant, ou... Ben non. OK. Mais bon, ben non, ben ça, c'est comme quand j'étais jeune, un de mes loisirs, quand j'étais pas content, c'était d'aller sacrer des coups de poing dans des troncs d'arbre. Ça fait des micro-fractures, fait que j'ai les os solides. Parce que pour se réparer, ça, les os épaississent. Mm-hmm. Mais là, je m'attendais pas à faire ça. Il va falloir que je le répare. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mon fauteuil. Mais bon. Ah non, il va falloir que je le répare. Mais je m'attendais pas à le casser d'un petit coup comme ça, là. Ben, des fois, l'impulsivité associée à l'énergie, quand tu as une montée en énergie, puis ça s'extériorise, là... Ça fait éclater des formes, pas juste au niveau de la parole, mais au niveau littéral. Ouais, ben elle est là, c'est ça. Là. Mais bon, elle est... Comment je pourrais dire ça? C'est pas... le monde va voir ça comme de la physique, ce qui va faire que oh, bon, tu concentres une pression en un point. Puis, Maintenant, ceux qui s'intéressent, par exemple, les arts martiaux, ben, à un moment donné, ça défie la physique. Ça défie l'entendement. C'est-à-dire que dans ton mouvement, il n'y a pas juste la force physique que tu mets, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Tu peux traverser un crâne avec un doigt. Si c'est fait comme il faut. Mais c'est ça. Mais là, des fois, bon, on fait des. Bon, ben, je pense que faudrait que je songe à arrêter là. Oui, non, mais c'est bien correct, là.